Nous allons donc commencer cette séance de la matinée par une communication sur la viticulture en Lorraine, d'après les données de fouilles archéologiques présentées par mes deux collègues de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, René Lancival et Juliane Witold. Donc une communication sur la viticulture de l'Antiquité jusqu'au temps moderne. À vous la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc cette communication qui va retracer la viticulture en Lorraine à travers l'archéologie et surtout la carpologie est divisée en trois parties. La première est consacrée à la période protohistorique et antique. La deuxième aborde le Moyen-Âge avec un site important, celui de Vitry-sur-Orne, pour lequel nous disposons de macro-restes, de structures archéologiques et de données textuelles qui permettent de retracer la viticulture du 8e au 15e siècle. Pour le bas Moyen-Âge, des données archéologiques de différentes fouilles préventives permettent de se pencher brièvement sur l'activité viticole, la consommation et le commerce fluvial. Et la troisième partie évoquera vraiment très brièvement la partie des temps modernes. Je cède la parole à Juliane. Oui, bonjour. Si on parle de viticulture, ça apparaît nécessaire de présenter au minimum brièvement la plante. La vigne est une plante indigène de la région. Donc, on les trouve en Lorraine comme plante sauvage dans des périodes anciennes. La vigne sauvage, c'est connu sous le nom de lambrusque. Et c'est une plante, une liane de forêt ripisylve de grands fleuves. Donc, elle se trouve dans la plaine alluviale des grands fleuves comme le Rhin, la Seine, la Marne. Et on trouve le pépin de la vigne sauvage partout, un peu aléatoire dans l'habitat protohistorique comme plante de cueillette. La différence entre la vigne sauvage et la vigne cultivée, c'est important parce que la vigne sauvage est une plante dioïque. Ça veut dire qu'il y a une plante unisexuée, donc on a des plantes mâles et des plantes femelles. Et en revanche, la vigne cultivée, vous avez les deux sexes sur la même plante. Donc ici, en bas, vous avez une plante avec une fleur mâle, avec des étaminés. Et à côté, les pépins de la vigne sauvage. Et là, il y a une différence entre la vigne cultivée, qui est une autre sous-espèce, et la vigne sauvage. Pour la vigne sauvage, les pépins sont plus ronds, plus petits, et les becs sont moins développés. Aujourd'hui, la vigne sauvage est menacée d'extinction. On les trouve principalement dans la plaine alluviale du Rhin, en Alsace, et un petit peu dans la vallée de la Seine et de la Marne. Mais ça, c'est aujourd'hui la situation actuelle avec le changement des paysages, des extractions de gravats dans les grands fleuves. Donc, c'est forcément une plante menacée par l'anthropisation du paysage. C'est une liane qui peut atteindre une dizaine de mètres de hauteur. Et c'est tout de suite visible, la forme cultivée est plus mince en développement de la plante. La vigne cultivée, des feuilles sont un peu différentes, sont un peu plus incisées, mais ce sont également dentées et forcément c'est visible, les grappes sont plus costauds, plus développées en comparaison avec la vigne sauvage. Les pépins sont plus allongés et les becs des pépins sont largement plus longs. Parfois, c'est difficile de séparer des pépins de vignes sauvages et vignes cultivées, mais dans la plupart des cas, on peut décider avec analyse morphométrique s'il s'agit d'un pépin d'une vigne sauvage ou cultivée. Aujourd'hui, il y a une multitude des études morphométriques qui sont engagées pour déterminer un peu plus précisément les cépages. Donc, il y a une multitude de publications. Donc, à partir des mesures de morphométrie des pépins, vous avez la possibilité d'arriver par exemple au groupe de cépage Merlot, au groupe de Pinot. Donc, il y a un grand travail morphométrique et aussi génétique qui est actuellement engagé sur la question de la vigne. Et à gauche, vous avez encore des différences. Donc, vous avez à droite la vigne sauvage, des grappes qui sont petites, peu développées, des baies également plus petites et les pépins sont plus arrondis et les becs sont moins développés. Et à gauche, les sous-espèces cultivées. Le début de la consommation du vin, c'est sans doute à la fin du premier âge du fer, avec des importations d'objets archéologiques de grande valeur, comme signe des élites aristocrates de l'âge du fer, comme c'est connu en Lorraine, les Honorcoe de Basiutz, qui sont vraiment une des trouvailles les plus emblématiques de consommation très probablement du vin, qui sont des productions celtes, mais avec une forte influence étrusque, et qui sont aujourd'hui dans le British Museum à Londres. Et dans la Sarre, dans les régions voisines, vous avez aussi des importations directes de la région étrusque avec de Honorcoe, qui sont très typiques pour le temple des élites des débuts du second âge du fer. Il faut également évoquer les trouvailles de la cratère des Vix, qui, c'est pas de Lorraine, c'est trouvé à Châtillon-sur-Seine, mais c'est un grand cratère pour le vin qui a environ 208 kilos en poids et avec une hauteur de 1,64 m. Donc ça, c'est aussi une importation de luxe de la région méditerranéenne. Donc avec le développement des élites de l'âge du fer, il y a aussi le début de consommation du vin comme objet ou comme consommation de luxe et une caractérisation des élites. Il y a tout de suite, à la fin du deuxième âge du fer, début de l'époque antique, des tombes antiques avec la présence des amphores, par exemple du type Dressel 1, qui sont des containers à usage unique pour le vin. Et là, il y a directement la suite, également la consommation du vin, c'est un critère de caractériser des élites à la transition âge du fer, époque antique. Il y a beaucoup d'études concernant le transport des amphores et il y a des formes qui sont assez typiques pour le vin, des autres par exemple pour l'huile d'olive. Et il y a plusieurs régions de production. On a sans doute la France du Sud avec de grands complexes de villas antiques avec des pressoirs. On a l'Espagne et on trouve les amphores comme ça en Lorraine, mais également dans des grandes villes comme Trèves, comme Cologne, jusqu'aux mers du Nord. Donc ça c'est la commerce avec des amphores qui sont jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ, des containers pour le transport du vin. Dans des céramiques sigillées, on trouve partout des symboles et des images de la viticulture, donc ça c'est une forme habituelle. Il s'agit sans doute pas de preuves d'une viticulture locale parce que ce sont des décorations très très fréquentes et on les trouve presque partout sur l'Empire romain, mais ça évoque néanmoins la grande importance du vin et de la consommation. À partir du 3e, 4e siècle, on a plus et plus de transports en forme de tonneaux. Il y a des stèles funéraires, par exemple, trouvés en Bavière, avec des grands tonneaux sur chariot. Ces tonneaux sont principalement fabriqués à partir du sapin et sont interprétés principalement transport du vin, mais également il y a d'autres possibilités comme la bière, le harangue, le garum. Donc, ce n'est pas du tout tout de suite à interpréter avec certitude, c'est le transport du vent. Et le plus emblématique est sans doute le bateau avec le tonneau de Neumagen-Dron, 3e siècle après Jésus-Christ, qui est actuellement dans le musée à Trèves. Et pour retourner à la Lorraine, donc on a également au musée de Metz des passoires pour filtrer les vents, et qui sont aussi des outils assez typiques pour l'époque antique. On ne peut pas éviter de parler un peu de la Moselle, parce qu'il y a le poème de Ausone, en début du 4e siècle, qui évoque des théâtres naturels des vignes sur la partie de la Moselle, très probablement en proximité des Trèves, et qui parle des vignobles verdoyants qui recouvrent le bord, de la, le bord du fleuve. Et ça correspond assez bien avec la distribution de sites archéologiques avec des pressoirs qui sont assez typiques pour la moyenne vallée de la Moselle au nord des Trèves. Actuellement, on n'a aucune trace similaire en Lorraine. Donc, tous les pressoirs qui sont installés directement sur la vignoble sont au nord des Trèves, entre Coblence et Trèves. Et il s'agit parfois d'exploitation de grandes surfaces parce qu'on estime une production annuelle du pressoir de Pisport-Münster d'environ 60 000 litres par année. Donc, ce sont des constructions avec des arbres en bois, des contrepoids, comme ici, et soit une énorme vis en bois, soit une pierre pour presser la vigne. Donc, le pressoir de Pisport-Münster, qui est l'installation la plus grande de ces pressoirs, c'est très probablement à interpréter comme un domaine public pour servir les résidences à Trèves, donc les résidences de l'empereur. Il y a des pressoirs qui sont plus petits, mais très typiques, c'est vraiment sont des limites géographiques, et la Lorraine, qui est théoriquement également bien favorable à la viticulture, a jusqu'à aujourd'hui pas fourni de données similaires. Et pour terminer, pour débuter le Moyen-Âge, vous avez ici une cartographie des sites étudiés par point de vue carpologique, des sites du Moyen-Âge. Donc on a en rouge le Mérovingien, en bleu l'époque carolingienne et en vert le Moyen-Âge classique. Et des formes en osange ici, ça c'est l'attestation dans l'étude carpologique de la vigne. Donc on a une région où il y a plus d'attestations, c'est au nord des Metz, dans la vallée de l'Orne, Vitry-sur-Orne, c'est un pont emblématique. Donc il y a quelques concentrations, principalement sur la vallée de la Moselle, où il y a la viticulture bien attestée, au minimum à partir de l'époque carolingienne. Et je passe à René. Alors, je voulais rappeler la valeur symbolique du vin. Dans les mythologies sumériennes et gréco-romaines, la vigne est un arbre sacré lié au culte d'abord de la grande déesse, puis de Dionysos, Bacchus. Cette valeur sacrée perdura durant tout le Moyen-Âge. La grappe de raisin est l'un des symboles de l'art paléochrétien. Dans l'art funéraire du haut Moyen-Âge, certains sarcophages, comme celui de Soissons, datant de la fin du VIe siècle, est décoré de motifs relatifs à la vigne, symbole d'immortalité. Et à la fin du Moyen-Âge, le thème iconographique du pressoir mystique illustre la symbolique du sang du Christ au sein de la liturgie chrétienne. À l'image de la grappe de raisin, le Christ est pressé par la vis du pressoir, donnant son sang pour laver le péché des hommes. Alors voici une vue aérienne du site de Vitry, voie rapide 52, dans son environnement. Je rappelle que durant le haut Moyen-Âge en Lorraine, les carporestes de la vigne cultivée sont de plus en plus fréquents et des pépins de raisin sont signalés dans plusieurs sites urbains ou ruraux, surtout à partir de la période carolingienne. Le seul site du haut Moyen-Âge qui ait fourni une quantité remarquable de pépins de raisin et de pédicelles, témoins véritables de la viticulture, et Vitry-sur-Orne à l'emplacement de la voie rapide 52 reliant Romba à Thionville. Il a été fouillé en 2000 et on a pu y suivre l'histoire de la viticulture jusqu'au 15e siècle. La commune de Vitry, localisée dans le département de la Moselle, se trouve entre Metz et Thionville. Au pied de la colline du Justemont, le gisement s'étire sur le replat d'une ancienne terrasse de la vallée de l'Orne, dont la confluence est à 7 km. La vue aérienne. Ah, mais là, voilà. Encore, oui. Donc, cette vue présente le site dans son environnement de village actuel ou disparu, dont seuls les toponymes ont gardé le souvenir et que des fouilles préventives récentes ont pu mettre au jour. Il y a d'abord sur le versant sud-ouest le village actuel de Vitry-sur-Orne, qui s'est cristallisé autour d'une paroisse fondée au XIIe siècle. À 500-600 mètres au nord-ouest, on a le village actuel de Bevange, qui est aussi un ancien village de vignerons, blotti au pied de la colline du Justemont, et dont l'origine remonte au XIIe siècle. Vers le sud-est, l'ancien village de Valange, ici, dont la première citation remonte à l'aube du XIe siècle, voire au milieu du IXe siècle, a été mise au jour par des fouilles préventives entre 2002 et 2007. C'est un village de laboureurs qui s'est développé du 8e au 15e siècle. Donc, il est contemporain du site de Vitry dont je parle aujourd'hui. Et au sud, en contrebas, on a le toponyme Upigny, qui correspond à un ancien hameau de vignerons, apparu pour la première fois dans les textes à la fin du XIIe siècle. Alors, voici le plan masse. Donc, c'est un gisement qui s'étire sur une superficie de plus d'un hectare, un hectare et demi même, et qui est caractérisé par une très forte densité de structures, parmi lesquelles on a pu distinguer quatre phases d'occupation, en continu, donc de l'époque mérovingienne au XVe siècle. Alors, je ne vais pas détailler toutes ces quatre phases, mais je signalerai que cet habitat sera abandonné dans la première moitié du XVe siècle. Alors, l'organisation de cet habitat s'est structurée durant toute la période du Moyen-Âge autour de la voie de circulation qui est matérialisée en bleu ici et qui traverse le site du nord-ouest au sud-est. Les macrorestes témoins de la viticulture à Vitry proviennent d'un puits carolingien pour lequel nous disposons d'une date radiocarbone qui remonte donc à la fin de l'époque mérovingienne jusqu'à la fin du IXe siècle. Ce puits à eau est situé en périphérie de l'habitat carolingien qui est composé d'un bâtiment, d'un grenier et de quelques fonds de cabane ici en vert et en bleu. C'est un petit habitat qui occupe un petit secteur au nord-est du site. Alors, c'est de ce puits en moellon calcaire et plongeant à plus de 11 mètres de profondeur que provient le riche échantillon de macrorestes imbibés, témoignant de la viticulture. Alors, ce reste se répartit entre 1161 pépins et 100 pédicelles de raisins cultivés, révélant ainsi l'activité viticole sur les lieux mêmes. Les pédicelles étant ces ramifications entre le pédoncule et le grain de raisin. La présence de ces pépins corrobore le contenu de certains textes, notamment des actes de la propriété de l'abbaye de Gorze, qui mentionnent la viticulture dans la vallée de l'Orne depuis le 8e siècle. Alors, dans la première moitié du 12e siècle, les moines prémontrés fondent leur abbaye au sommet de la colline du Justemont, qui culmine ici à 332 mètres et qui dominait donc les villages de la vallée de l'Orne. Ces moines sont à l'origine du développement de la viticulture et de l'implantation des vignobles sur les pentes ensoleillées de la colline, ainsi qu'à Upigny et à Valange. Alors, Upigny est ici, le toponyme, en contrebas de notre site actuel, et le site de Valange est ici et correspond au village des agriculteurs. En cette fin du XIIe siècle, les moines deviennent aussi propriétaires de l'alleu de Bevange, où ils possèdent un pressoir que l'on nomme Chaqueur et qui est cité au début du XIVe siècle. Alors, j'ai repris un plan cadastral de la fin du XIXe, pour montrer l'implantation des vignobles encore à l'époque, donc sur les pentes du Justement. Ici, entre les villages de Bevange et de Vitry, il y en avait encore derrière le village de Vitry et ici en contrebas de Upigny, qui est situé là. Avec ce plan, j'aborde la phase du bas Moyen-Âge qui se développe pour nous donc, du XIIIe au XVe siècle et qui voit apparaître la maison de Vigneron. Alors, les seules traces archéologiques de ces maisons disparues sont des solins en pierre et des amas de matériaux tels que moellons et tuiles accrochées qui nous indiquent que ces bâtiments étaient recouverts soit partiellement, soit entièrement de tuiles accrochées dès cette époque. Donc voici le plan d'une maison de vigneron la plus complète, donc celle en bleu. C'est un grand bâtiment rectangulaire, monobloc, qui est constitué de trois pièces en enfilade et qui est doté d'une cave accessible de l'extérieur par un escalier en léger relief par rapport à la façade arrière. Ce bâtiment se développe sur 25 mètres de long au moins et 12 à 13 mètres de large. Et il avoisine un autre bâtiment en verre qui lui-même est doté d'une cave du même type et qui est séparé de la maison précédente par une venelle. Ces deux corps de bâtiment s'alignaient en bordure de la voie de circulation qu'on ne voit pas ici sur le plan puisque cette voie est en dehors de l'emprise de fouille. Elle passe ici. Et on pense que à l'arrière, ici, on aurait donc les anciens jardins, enfin louches ou les mets, où on a retrouvé des structures domestiques telles que quelques cabanes au fond excavées, une fosse dotée d'un drain et des petites fosses circulaires à parois cléonées. Alors voici une vue de cette cave qui présente aussi une forme rectangulaire de 5 mètres sur 3 mètres de large et qui était profonde de 2,20 mètres. Les murs de cette cave sont constitués d'un parement maçonné en appareil irrégulier de moellons calcaires liés avec un mortier de chaux. Et la paroi intérieure de cette cave était enduite d'un mortier à base de chaux. Un escalier donc, dont les marches étaient bien conservées dans le terrain naturel permettait d'y accéder. Et ici, on peut voir les solins. C'est tout ce qu'il reste de ces maisons du bas Moyen-Âge. Donc, ce sont des solins assez étroits, de 40 à 60 cm, et qui ne sont conservés que sur une seule assise, voire deux. Ces solins donc, permettaient de supporter vraisemblablement la structure de la maison qui était en pan de bois et dont il ne reste plus rien. Donc, ces maisons étaient sans fondation. Les solins étaient directement posés sur le sol de l'époque. Donc quand on fouille, c'est très délicat parce qu'un coup de godet de la pelle mécanique trop vorace et il n'y a plus de traces de maison, surtout quand on n'a pas de cave. Alors, voici une restitution de cette maison de vigneron. C'est une restitution théorique, évidemment. La pièce nord abritait sans doute le logis. Logis parce qu'il était doté d'un foyer adossé au mur. C'est un petit foyer circulaire de 90 cm de diamètre, délimité par une petite couronne de pierre et doté donc d'une sole constituée d'une lentille d'argile très rubéfiée et très fine, reposant sur un radier de tuiles concassées. Alors, dans le logis, nous avons repéré l'empreinte de deux poteaux sur l'axe médian de la pièce. Et ces deux poteaux nous laissent à penser qu'ils supportaient le plancher d'un grenier, un grenier sous comble, hypothèse qui peut être confortée par la découverte de poires carbonisées que l'on voit à droite, que Juliane a étudiée aussi, et que l'on a retrouvées au sol du logis, dans le coin nord-ouest ici. Ces poires gisaient dans une zone charbonneuse et donc on peut penser que lors d'un incendie, le plancher du grenier se serait effondré en emportant les poires qui étaient stockées dans ce grenier. Donc voici une restitution du profil avec la cave et je voulais la comparer avec la maison, une maison de laboureurs qui a été mise au jour justement sur le site de Valenges, un peu plus loin, qui est aussi un bâtiment monobloc réparti en deux grandes parties, une partie dévolue au logis et l'autre consacrée au bâtiment d'exploitation. Donc il n'y a pas du tout de cave dans ce type de bâtiment. Une autre vision d'une autre cave, le site en comptait au moins 5-6 de ce type. Ce sont de grandes fosses rectangulaires à fond plat, d'une profondeur atteignant les 2 mètres, toujours accessible par un escalier ou un plan incliné. Et celle-ci était par contre éclairée et aérée par un soupirail que l'on voit dans la petite paroi. Alors je voudrais interpréter... je me suis demandé quelle était la nature de cet habitat de Vitry et je pense que la présence de plusieurs caves sur ce site autorise à penser que nous sommes en présence des maisons vigneronnes qui constituaient l'ancien hameau de Hupigny dont j'ai parlé tout à l'heure et que l'on voit en contrebas du site en rouge. Hupigny qui, dès la fin du XIIIe siècle, est signalé en tant que cens du temporel de l'abbaye des Prémontrés. Sont également cités dans les sources textuelles les noms de riches propriétaires, tels que Conrad de Hupigny en 1272 et Jean Champion de Hupigny, cité en 1348, ce qui nous laisse à penser que ces membres de l'aristocratie rurale pouvaient être également détenteurs de ces propriétés vigneronnes. L'abandon de cet habitat remonterait à la fin du XVe siècle, d'après la datation radiocarbone que nous avons obtenue, et aucune citation d'Hupigny n'apparaît plus dans les sources au XVIe siècle. Alors, en ce qui concerne la culture matérielle, aucun outil métallique en relation avec la vie n'a cependant été trouvé sur le site. C'est dommage. Peu d'outils sont mis au jour, effectivement, dans nos fouilles préventives, alors que l'iconographie est très riche en matière d'activité viticole. En effet, calendriers, miniatures, livres d'or, comme celui des très riches ors du duc de Berry, dépeignent pour le XVe siècle les travaux de mars dans les vignobles ou encore les vendanges au mois de septembre. Or, parmi les quelques outils que nous possédons, il y a notamment cette serpette en haut à droite, une serpette en fer qui est issue de l'établissement rural de Hayange-Marspiche, qui est probablement datée du bas Moyen-Âge aussi, et cette petite serpette dotée d'un manche en os tourné, très jolie, qui provient d'une fausse latrine du château de Manderun et qui doit dater donc du début du XVIIe siècle. Alors j'aborderai le bas Moyen-Âge avec ce plan mérian du début du XVIIe siècle, simplement pour évoquer le commerce et le transport fluvial du vin. Alors la flèche rouge signale les bateaux remontant la Moselle jusqu'à l'île du Petit Saulcy à Metz pour venir accoster le long des débarcadères du port médiéval de la cité et pour embarquer également les marchandises qui étaient exportées, notamment le vin, dont le commerce est une ressource économique importante pour Metz. Et là, je renverrai à tous les travaux de M. Yant, qui a travaillé donc sur le commerce fluvial. Oui, j'ai pris le plan Faber aussi parce que, bon, on le trouve joli avec Juliane, il a de belles couleurs. Et puis, bon, voilà, on peut voir les bateaux accostés le long du quai, ici, près du Rhin-Port. Là. Voilà. J'ai plus beaucoup de temps. Alors, à la charnière des années 91 et 92, l'archéologie préventive a mis au jour d'extraordinaires infrastructures portuaires médiévales en bois et en pierre à Metz, place de la Comédie, dans un ancien lit du bras de la Moselle. Alors voici une vue de ce débarcadère, c'est le plus récent, il y en avait 4 en tout. Il a été en usage celui-ci de la seconde moitié du XIIIe au début du XIVe siècle. Il se développait sur plus de 100 mètres de long, il était doté d'une partie naviforme. Il est constitué dans sa partie sommitale de pierre qui repose sur une infrastructure en bois et est flanqué d'alignements de poteaux contre lesquels les bateaux pouvaient venir accoster sans abîmer le débarcadère. Ces pichets en céramique très glacurés et très décorés des XIIIe, XIVe siècles ont vraisemblablement été fabriqués dans les officines de potiers du Pontifroid à Metz. Par leur qualité décorative, ces pichets étaient très certainement destinés au service du vin sur les tables d'une partie de la population citadine et de l'aristocratie rurale. Par ailleurs, certaines découvertes dans des contrées du pourtour de la mer du Nord, principaux marchés des vins français, permettent d'envisager qu'ils constituaient aussi des emballages destinés au commerce fluvial du vin à longue distance. La fragilité des vins médiévaux, se conservant mal et s'acidifiant très vite, obligeait à une consommation immédiate, favorisant le débit de vin au détail, servi au comptoir des taverniers, comme on peut le voir sur cette illustration du XVe siècle. La vente de vin au détail constituait pour les villes une source de fiscalité importante, qui sans doute eut un impact sur certaines standardisations de vases à boire ou à servir le vin. Standardisation que peut illustrer ce lot de gobelets en céramique grise cannelée en haut à droite. C'est une production céramique typique de la région de la Sarre. Elle est attribuée à la deuxième moitié du XVe siècle et à la première moitié du XVIe siècle et provient d'un puits fouillé à Sarreguemines en 1993. Aux productions céramiques locales et régionales s'ajoutent des importations de grès rhénan, comme l'illustre ce très beau pichet en grès salifère, décoré d'un visage d'homme barbu et découvert dans une fausse latrine du château de Manderen. Ce produit provient des ateliers de Siegburg en Allemagne. Il est daté de la deuxième moitié du XVIe siècle. Pour ce qui est de l'époque moderne que j'aborde très brièvement, j'ai choisi quelques pressoirs de la fin du XVIIIe que l'on peut encore voir aujourd'hui en Lorraine, notamment en Moselle, à Gentrange par exemple, qui était propriété de l'abbaye luxembourgeoise, et le pressoir de Beaulieu en Argonne. Ce sont des pressoirs à arbres qui doivent évoquer les chaqueurs du Moyen-Âge. Alors ici, nous avions pris la carte d'Hénaudin pour évoquer les vignobles qui sont représentés encore sur les coteaux au nord de la ville de Vic-sur-Seille dans le Saulnois pour le XVIIIe siècle. On va aller plus. Alors, oui. Et cette ancienne carte postale de Jouy illustre cette tradition viticole lorraine qui perdura jusque dans la première moitié du XXe siècle, avant de péricliter face à l'épidémie du phylloxéra et des transformations des pratiques agricoles. En effet, à la fin du XIXe siècle, le vignoble lorrain comptait 36 700 hectares, alors qu'en 1983, la surface est réduite à 600 hectares. Cependant, depuis la fin des années 80, la viticulture renaît lentement, notamment dans le Toulois, dans les côtes de Meuse, entre Fresnes-en-Wavre et Saint-Miel, dans la côte de Moselle, toute la région du Val-de-Metz et la région de Sierre-Clébin, ainsi qu'à Vic-sur-Seille, dont je viens de parler brièvement. Pour conclure. Oui. Voilà, pour conclure, la vigne sauvage, c'est sans doute un élément de la végétation indigène au bord des grands fleuves. Mais la vigne cultivée a son origine en Proche-Orient et en Méditerranée, donc à partir de l'âge du bronze, la viticulture s'est développée là-bas. À partir de la deuxième âge du fer, on a de l'importation de plus en plus du vin comme produit de luxe consommé par l'élite celte. Et malgré de très nombreux restes carpologiques pour l'époque antique, on a actuellement pas de traces de pressoirs en Lorraine et pas de traces de travail vraiment viticole en comparaison bien avec la moyenne vallée de la Moselle au nord des Trèves où il y a bien l'évidence de viticulture locale. La capologie a bien relevé la présence de nombreux macro-restes végétaux. Mais pour conclure avec certitude sur la viticulture, il faut trouver des grandes quantités avec présence des pédicelles et d'éléments de rafles qui sont parfois des restes des marques de l'activité viticole. Parce que si on trouve simplement quelques pépins, ça peut être de l'importation des raisins secs. Donc ce n'est pas des preuves avec certitude d'une viticulture locale. Et on a vu tout le développement à partir de l'époque carolingienne, avec la consommation, le commerce et le transport du vin, qui est très bien attesté en Lorraine et à Metz. Merci pour votre attention.